Et voilà, j'ai merdé. Ce jour-là, j'ai vraiment merdé. C'était notre première dispute. Une dispute SMS. On aimait bien se disputer par SMS. Elle a fini par m'écrire « Mais ce ne sera donc jamais assez ?» Je pense avec du recul que sans le vouloir, je devais la harceler. Opérer sur elle un insidieux stratagème inconscient qui l'a conduite peu à peu à un burn-out. Elle a dû faire un burn-out de moi. Cette première dispute en était les prémices. Je n'aime pas trop la chanson qui va suivre. Son but était de me faire pardonner. Mais la semaine d'après, j'ai recommencé à merder. Ce n'était donc jamais assez. Comme elle me l'a écrit plus tard, c'était plus fort que moi. C'est comme ça quand on ne contrôle plus rien. C'est étrange de devenir si différent. Je n'ai jamais agi de cette façon avec qui que ce soit. C'est sur toi, ma belle Alice, que l'enfer venait prendre ses quartiers.